Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Aha mikani arajganesh duk ins piti tsuitstak te uren nerank gtnvum. Aha mikani arajganesh duk ins piti tsuitstak te uren nerank gtnvum. Montrez-moi où est l'enveloppe. Ins tsuitste veg tsrara. Ins tsuitste veg tsrara. Montrez-moi où est la clé. Ins tsuitste veg ure panalin. Ins tsuitste veg ure panalin. Montrez-moi où est le rasoir. Ins tsuitste veg ure acelin. Ins tsuitste veg ure acelin. Montrez-moi où est le verre. Ins tsuitste veg ure pashaka. Ins tsuitste veg ure pashaka. Montrez-moi où est le crayon. Ins tsuitste veg ure matite. Ins tsuitste veg ure matite. Montrez-moi où est le téléphone. Ins tsuitste veg ure herachose. Ins tsuitste veg ure herachose. Montrez-moi où est la montre. Ins tsuitste veg ure jamatsuitze. Ins tsuitste veg ure jamatsuitze. Montrez-moi où sont les ciseaux. Ins tsuitste veg ure mograte. Ins tsuitste veg ure mograte. Montrez-moi où est le peigne. Ins tsuitste veg ure sanre. Ins tsuitste veg ure sanre. Montrez-moi où sont les lunettes. Ins tsuitste veg ure agnoze. Ins tsuitste veg ure agnoze.